Écoutez maintenant les baleines de Paul Fort, enregistré par Jean Chevrier, un membre de la Comédie française. C'est le document numéro 6 dans votre livre de texte. Du temps qu'on allait encore aux baleines, si loin que chargeait matelots, pleurs et nobelles, il y avait sur chaque route un Jésus en croix. Il y avait des marquis couverts de dentelles, il y avait la Sainte Vierge et il y avait le roi. Du temps qu'on allait encore aux baleines, si loin que chargeait matelots, pleurs et nobelles, il y avait des marins qui avaient la foi et des grands seigneurs qui crachaient sur elle. Il y avait la Sainte Vierge et il y avait le roi. Eh bien, à présent, tout le monde est content. C'est pas pour dire matelot, mais on est content. Il n'y a plus de grand seigneur, ni de Jésus qui tienne. Il y a la République et il y a le président. Et il n'y a plus de baleines.